Les bleuets fortins du 555 d'Aquin secteur Mistassini font partie du paysage depuis quelques générations. En cette période de l'année, le bleuet, emblématique de la région, est synonyme de fête. Bleuet fortin du secteur de Mistassini est générateur d'emplois chez nous. Une entreprise qui est la couleur même de la place. Le bleuet fait partie de la tradition et par ricochet, bleuet fortin aussi. Bleuet fortin du secteur de Mistassini vous invite à participer en grand nombre au Festival du Bleuet qui se déroule en fin de semaine à Dolbeau, Mistassini. Chez Dolbeau Auto, venez célébrer les 100 ans de camions Chevrolet avec le Silverado 1500 2018 à cabine double à 176 $ aux deux semaines au taux de 1,5% ou le Colorado 2018 à cabine multiplace et à caisse courte à 183 $ aux deux semaines ou 1,9% au taux de location pendant 48 mois. Dolbeau Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, au numéro de téléphone 418-276-0580. Monsieur Stéphane Fortin et tout son personnel souhaitent un bon festival du Bleuet à toute la population de Dolbeau-Mistassini et invitent les gens à participer du même coup à ce grand festival. Et félicitations aux organisateurs. On va parler du UFC qui 227 qui sera présenté demain à Los Angeles. On en parle avec notre spécialiste Claude Perron. Salut Claude. Salut Danny. Claude, ce combat-là va mettre aux prises TJ Dillashaw contre Cody Garbrandt. Garbrandt qui est classé premier dans sa catégorie. Comment tu penses que ce combat-là va se passer? Ben écoute, c'est une revanche, là. C'est ça qui est le fun. Garbrandt était vraiment sur une lancée, puis il y a eu son un peu un adversaire, TJ Dillashaw. Ça fait longtemps que ces gars-là s'étaient entraînés ensemble, puis après ça... Ils ont eu de la chicane, tu vois, grosse affaire. Puis ça, tu dis que ça va nous donner un bon premier combat, mais ça n'avait pas fini nécessairement comme on pensait quand on sait que, bon, c'est Dillashaw qui avait réussi à passer le chaos à Garbrandt. Donc, on pensait plutôt que ça allait être le contraire, la plupart des gens, mais bon, c'est ça, les MMA. Mm. Puis, écoute, c'est pour ça qu'on a bien hâte d'avoir le deuxième affrontement. Là, ça devrait être très excitant. Le premier avait fini au début du deuxième. Là, Garbrandt avait été droppé au premier, puis il avait été droppé au deuxième. Donc, on espère que ça va donner un bon combat encore. Ça devrait, parce que de toute façon, c'est les meilleurs, là, pas mal. Tu sais, c'est deux top 5 facilement. Okay. C'est les meilleurs de cette catégorie-là qui s'affrontent. Fait que ça va nous donner un bon combat. Demetrius Johnson, qui est classé livre pour livre, comme il est dans quoi des trois meilleurs livre pour livre, lui va affronter Henry Cejudo. Ben oui. Là aussi, c'est une revanche. Ouais. Cejudo, écoute, c'est pas n'importe qui. C'est un gars qui est médaillé aux Olympiques, là. Une couple de fois en lutte. Donc, c'est une bête. Là. Puis, il était médaillé aussi au niveau international. Puis, tout ça. Ça fait quelques années qu'il fait du MMA. Il est très bien transféré. Mais son premier combat contre Johnson, ça s'était pas trop bien terminé. Je pense qu'il avait ça s'était terminé par coup de genou au premier ou au deuxième round là, qu'il avait réussi à faire dropper. Écoute, Johnson, ils vont commencer à faire des revanches parce qu'il a tout nettoyé. Ce gars-là, il faudrait qu'il monte de catégorie ou je sais pas trop quoi, tu sais, maintenant, il n'y a plus personne. Ouais. Il y a plus qu'à faire le ménage, là. Puis comme tu disais, c'est à toi, un des deux, trois certainement meilleur, là. Livre pour livre, c'est pas le meilleur, là. On dit que c'est des petits poids. Il s'est amélioré, mais. Alors, j'ai hâte de voir, parce que la dernière fois, ça c'était même pas proche. OK. Écoute, si c'est judo, là, il peut pas utiliser sa lutte, là. Mm-hmm. Puis ses frappes au sol, là, il sera pas capable de rivaliser debout avec Johnson, jamais. Puis la dernière fois, il n'avait même pas été capable de l'approcher. OK. Fait que j'ai hâte de voir si ça va changer. Et Cobb Sampson contre Renato Moscardo. On dit que Sampson, pour lui, c'est un combat très, très, très dangereux. Ah ben oui, c'est du coup. Cobb Swanson, c'est un bon gatekeeper qu'on appelle là. Mm-hmm. Il est tout le temps proche du top 10 ou dans ce bout-là, mais jamais, il sera jamais. Vraiment champion, il se battra pas pour le championnat non plus. Puis là, il prend un gars, écoute, qui est sur une très bonne lancée. Il a une douzaine de combats. Il a eu une défaite contre Brian Ortega, mais ça, c'est quand même pas gênant. Ça va nous donner un bon combat. Oui, c'est un très gros test, autant pour les deux. Mais je pense que le jeune Renato, là, Carniero, risque de gagner. Là, cette... OK. Y a-t-il d'autres combats qui sont intéressants? Connu plus ou moins, ouais. Là, pour la moyenne des fans, non, c'est il y a quand même deux trois bons combats, gros noms. Pour le reste, là, c'est plus des nouveaux, une couple de combats de femmes aussi qui peut être assez intéressant, mais personne de connu vraiment. OK. Là, je veux t'emmener sur Olivier Aubin-Mercier qui a mis fin à sa séquence de trois victoires consécutives la semaine passée. Est-ce que il s'est assez battu pour avoir une chance? Certainement, il va avoir une autre chance, c'est sûr, hein? Oui. Écoute, Olivier, il en gagne plus qu'il en perd, là. Mais c'est sûr qu'ils ont un gros rooster, ils ont beaucoup de monde dans cette catégorie-là aussi. Ça dépend tout le temps un peu du show que tu donnes, puis comment tu gagnes, comment tu perds. Hein. C'est tout le temps ça. On va voir. On va voir ce qu'Olivier va faire avec ça. Est-ce qu'Olivier a des chances d'aspirer là dans un court terme à une ceinture ou à l'action qu'on bat de championnat, je penserais pas, là. À moyen, à long terme, peut-être, mais s'il est encore sur une grosse lancée avec des combats spectaculaires. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va être quoi à la suite pour Olivier. Il est encore jeune, il n'y a pas de problème à ce point-là, mais bon, ça va dépendre de sa motivation à lui aussi un peu, je suppose. Ouais. Osé Aldo, il était la semaine passée de Fight Night, et Olivier, Osé Aldo, les Fight Night, c'est des combats un peu moins importants. C'est plus les aspirants qu'on pourrait dire, c'est ça? Je me trompe pas. C'est pas des cartes à numéro. Quand c'est des Fight Night, la cage est un petit peu plus petite. Puis c'est des amphithéâtres un petit peu plus petits aussi, là. Non, mais c'est parce que quelque part, Osé Aldo se battait sur un Fight Night la semaine passée. Ouais, c'est ça, je te dis, c'est. Ouais, puis lui, il n'est pas habitué à ça pendant tout, là. Fait que. Non, définitivement pas. Fait que il a gagné, je sais qu'il a gagné, mais c'est quoi le but? Oui. C'est-tu la motivation? Pourquoi qu'ils essaient de retourner de la fête? Ben, d'abord, c'est Dana White qui le place, là. Ouais, le matchmaking, puis ça, mais c'est un peu embêtant. D'après moi, José Aldo, je pense qu'il veut aussi, rester actif, hein. Ouais. Des fois, les gars, ils vont dire, bon, ben, place-moi sur une plus petite carte, mais moi, je veux me battre. Tu trouves quelqu'un, tu comprends-tu? Ouais. C'est plus dans ce sens-là, OK. C'est mais moins payant sinon, aussi. C'est moins payant aussi, j'imagine. En plus, il faisait même, non, oui. Probablement. Ça dépend de ton contrôle, je pourrais pas dire. OK. Mais en plus, il faisait même pas la finale, c'est ça qui est drôle un peu, mais en tout cas. Ouais, on c'est ça. Parce que lui, Aldo, là, qui est encore lui, un des meilleurs dans cette catégorie. Lui, c'est quand même intéressant. C'est un gars qui a fait longtemps les finales à numéro. Puis là, il se bat même pas en finale d'un Fight Night. Donc, c'est pour ça que je te pose la question. Il y a aussi une nouvelle qui est annoncée aujourd'hui, Dustin Poirier, qui va se battre contre Nate Diaz à Madison Square Garden. C'est confirmé. Donc ça pourrait être intéressant. Toujours quand Nate Diaz, c'est une grande gueule, ça, Nate Diaz, d'abord. Nate Diaz, on le connaît tous. Mais c'est, d'après moi aussi, c'est dans le but de d'après ça. Parce que je pense qu'il a annoncé aussi qu'Habib visite McGregor. Donc je pense qu'il va se faire un petit mini tournoi à quatre, là, dans le sens que les gagnants des deux vont se prendre contre l'autre. Là. Ça ressemble pas mal à ça. OK. Donc, c'est ça qui va arriver. Donc, ça pourrait être intéressant. Et Conor McGregor, donc, lui, écoute, il s'est excusé de ses gestes complètement stupides. Là. On sait qu'il y a une trame qui a monté au cerveau, là. On se comptera pas d'histoire. Ouais. Puis, il s'est excusé. Puis là, ben, il mentionne qu'il va se battre contre Khabib Nurmagomedov. Ça, c'est un Russe. Oui. Écoute, Khabib, ça va être tout un test pour McGregor, parce que si Khabib ma main sur McGregor, c'est fini. Là, si ça vaut ça, c'est sûr que c'est fini. Par contre, Khabib, il y a quand même des lacunes debout. Puis on sait que McGregor, là, il est très, très rapide. Puis il y a un one-punch knockout qu'on appelle. Mais ça va faire tout qu'un combat payant pour les deux, très intéressant. Puis, en tout cas, moi, j'espère que Khabib va y faire ma trappe là, pour un petit bout. Ça nous ferait du bien. puis on Georges, ben, quelque part, Georges contre McGregor, on oublie ça. Quelque part, moi, je peux pas croire qu'il est revenu pour un combat. C'est embêtant. Hein. D'après moi, Georges, il veut mener un peu la BAC à sa façon, comme ça il tente. Puis je suis pas sûr que Dana White à l'autre bout, il s'en fout un petit peu, mais je sais pas trop. Écoute, c'est bizarre. Bon, on verra. Il est encore capable, ça c'est sûr. Allez, en terminant, Bossier, Pascal, comment t'as trouvé ça? Ben, aussi surprenant que McGregor. Mais moi, je trouve que Jean-Pascal n'a pas boxé. Il a donné des chances. Quand il a ouvert un peu la machine, on a vu la différence. En tout cas, moi, je suis pas un grand champion de MMA ni de boxe, tout ça, pour avoir fait un peu de tout ça quand même. Là. Ouais. Laisser donner des chances quand tu peux te faire geler. Là. J'ai toujours eu des doutes avec ça. Peut-être qu'il a pas ouvert la machine au bout, mais. En tout cas, peut-être, là, il l'a traîné quand même comme 8-9 rondes, là. Ouais, mais quand il ouvrait la machine un peu, c'était on voyait que Pascal n'était pas de taille. Bossier n'était pas de taille. J'espère bien, je veux dire, c'est sûr qu'il n'était pas de taille, ça, personne n'en doute, là, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ce qu'on dit tout le temps depuis le début, c'est qu'on est capable de tenir dans un ring avec un bon boxeur, c'est ça qu'on veut, c'est comme on dit. Là. Ouais. Parce que les gars MMA s'entraînent fort là, quand même en boxe. Non, non, non, je sais, mais... Ils s'entraînent plus en boxe que la plupart des amateurs en boxe là, pur le fond. Là. Ces gars, ils s'entraînent deux trois fois par jour. Là, fait que... Mais c'est sûr qu'ils sont jamais aussi bons qu'un vrai boxeur. Ça, tout le monde le sait. Là. C'est, mais, ça sert à rien de faire des tests, on le sait. Le meilleur, c'est Frédéric Day qui a dit... Steve Bossé a pas d'affaires dans le même ring que Jean-Pascal, puis Jean-Pascal a pas d'affaires dans l'octogone avec Steve Bossé. Ouais, mais quand même, ce que je veux dire, un gars d'MMA a plus d'affaires dans un ring de boxe qu'un boxe en MMA, ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Parce que ça durera pas deux minutes non, là, non. En MMA, c'est ça ouais. que je veux dire. Ouais. On s'en reparle dans le 228, hein? Ouais, ouais. Ok, donc c'était notre collaborateur Claude Perron.